On trouve dans les recueillements poétiques publiés en 1839 les échos de l'engagement politique de Lamartine, notamment dans le dernier poème que j'ai choisi pour vous. En juin 1840, les sept principaux États d'Europe, Allemagne, Autriche, Angleterre, Espagne, France, Italie et Russie, furent sur le point d'entrer dans une conflagration générale suite à un conflit entre l'Égypte et la Turquie. L'Allemand Nicolas Becker composa alors une chanson patriotique intitulée « Le Rhin allemand », aux accents farouchement nationalistes. Jugez par vous-même. Vous ne l'aurez pas, le Rhin libre d'Allemagne, tant que ses fiers enfants se marieront avec ses sveltes jeunes filles. Vous n'aurez pas le Rhin libre d'Allemagne tant que vous n'aurez pas enseveli dans ses flots les ossements de ses derniers défenseurs. Un an plus tard, Lamartine, lointain prophète de l'actuelle Europe, composait « La Marseillaise de la paix », sous-titrée « Réponse à M. Becker, auteur du Rhin allemand ».